C'est tout un exploit ce qui est survenu la semaine passée ou en fin de semaine également à Lévis, alors que l'équipe de la skip Mélina Perron ainsi qu'Emilia Gagné, Mélina Perron qui représente le Centre civique de Boom-Sesny, ont réussi à se classer pour le tournoi des Cœurs Scott qui sera présenté en Colombie-Britannique à la fin du mois. Pourquoi on dit que c'est un exploit? Parce que c'est une équipe junior qui a battu des équipes seniors, et pas n'importe quelle, l'équipe de Marie-France Larouche, qui est native de Boom-Sesny, qui a 7 participations au tournoi des Cœurs Scott. Et pour en parler, on rejoint Mélina Perron. Bon après-midi, Mélina. Bon après-midi. Mélina, c'est vraiment un exploit extraordinaire que vous avez accompli. Est-ce que tu le réalises présentement? Est-ce que tu commences à le réaliser? Non, je pense qu'on réalise pas encore qu'on a gagné le tournoi, mais on est encore sur notre nuage, je pense. OK. Question, comment se fait-il qu'une équipe, vous êtes une équipe junior qui a été invitée à un tournoi senior? Oui. Comment se fait-il, hein? Parce qu'il y avait seulement 5 équipes de femmes. OK. Alors, Curling Québec, dans le fond, a invité des équipes juniors pour qu'on soit au total 8 équipes. OK. Donc, vous, au départ, j'écoutais votre équipe ce matin à Planète à Alma, puis elle disait qu'au début, vous y alliez là pour prendre de l'expérience. C'était vraiment ça, votre plan de match? À quel moment où que ça a commencé, vous avez commencé à y croire un peu, là? Dans le fond, quand on a vu que on jouait un prix d'égalité avec l'équipe Perron, on s'est comme rendu compte que on serait peut-être capable de gagner. Okay. Là, c'est après, en gagnant contre Marie-France Larouche, puis en allant en finale, qu'on a vraiment réalisé qu'on était peut-être capable. Est-ce que le fait que vous avez joué sans pression, ça vous a aidé pas mal aussi? Je suis pas mal sûre que ça a été la clé d'avoir gagné, parce que on n'était pas stressés. Dans le fond, on y allait comme ça allait, puis ça a bien fini. OK. J'ai entendu aussi dire que ça n'a pas été au départ, à la fin, puisque vous avez gagné en prolongation, vous n'étiez pas vraiment avantagé, même en prolongation, hein? Non, on n'avait pas le marteau. Ouais. Puis, mais on a. L'équipe Belle-Île aussi ne laissait pas une pierre en avant. Fait que pour nous, ça a vraiment été difficile de voler un point. OK. Mais on a finalement réussi. OK. Dis-moi, comment tu vois ça dans les prochaines semaines? Parce que là, ça va être gros, là. Les Cœurs Scott, c'est. Moi, je connais rien au curling. Par contre, je connais très bien les Cœurs Scott. On voit ça à RDS, on voit ça à TSN. Ça va être présenté d'un océan à l'autre. Comment tu vois ça? Oui. Moi, c'est sûr que je vois ça gros, là. Puis, je pensais pas penser à Billy à 17 ans avec mon équipe, mais c'est sûr qu'on est bien contente de représenter le Québec et de pouvoir passer à la télé. On voit ça gros, mais je pense qu'on va essayer de jouer sans pression comme on a joué en fin de cette semaine, puis ça devrait bien aller. OK. Dis-moi, quand c'était à Lévis, là, vous avez battu vraiment là dans leur château fort, parce qu'il y avait des fans là-bas aussi, je pense. Oui. Dans le fond, Marie-France Larouche avait vraiment fait son club. Donc, okay. Elle avait beaucoup de supporters en arrière d'elle. Puis, c'est ça, là, dans le fond, oui. OK. Mélina, est-ce que le fait aussi que vous étiez une équipe junior, il y a peut-être des équipes seniors qui vous ont regardé de haut puis qui ont dit « Ah, ça va être facile », puis ça vous a aidé? Je suis pas mal sûre que c'est arrivé aussi, puis partir trop confiant, ça marche pas tout le temps, ça marche même jamais. Je pense que ça nous a peut-être aidé un petit peu à ce niveau-là. OK. Dis-moi, si on parlait maintenant de. Je viens de parler de la préparation, ça va être quoi d'ici à Vancouver? Parce que là, j'imagine que ça va être d'étudier l'adversaire, ça va être un petit peu de bien rôder, ça va être quoi en fait d'ici au Kerskop? C'est sûr qu'on va regarder trucs d'autres fonds pour essayer de voir pour améliorer des choses de notre côté aussi. On va pratiquer beaucoup ça. Puis mais on va essayer de pratiquer aussi surtout ensemble. OK. Vous avez de l'expérience, vous avez une certaine expérience quand même de la grosse compétition. Vous avez fait en gang, vous avez la gang, vous avez fait le tournoi junior canadien il y a quelques années, hein? Ben moi dans le fond j'étais en 2015 Marie-Pierre puis Emilia ont fait le championnat junior OK. mais moi j'étais pas encore dans cette équipe-là. OK. Puis là, c'est arrivé, puis Ouais. par la suite, ben, ça a été ça. Babylina, Ouais. félicitations, c'est extraordinaire ce que vous avez accompli. Écoute, c'est la première fois, je pense, ça arrive, une équipe junior qui se classe pour un tournoi senior, hein? Oui, c'est la première fois au Québec qu'une équipe junior réussit à gagner pour ce que. OK. Ben, on va te suivre de près à partir dans 2 semaines, parce que tous les matchs, je pense, seront présentés à RDS et à TSN. Ouais, Voilà, c'est donc Mélina Perron de Dolboom-Cessny, elle et son équipe ont remporté le championnat québécois de curling. Ils vont représenter le Québec au tournoi des Kerskop qui sera présenté dans 2 semaines en Colombie-Britannique.